bienvenue tout le monde à cette 719e émission de Skypunka en ce samedi 28 juillet 2018. Et c'était Battle Runes avec Marty's Victory! Oh yeah! Ça, c'est de la oeil métallisée, ce groupe-là. Puis là, on commence avec un bloc de musique et d'entrevue que j'ai fait avec Tuka Tukas. Yeah! Donc ça va commencer avec leur chanson Paranoïaque Hypochondriaque, pièce qui est extrait de leur plus récent album que vous connaissez bien sûr et qui s'appelle Red Blood. Puis après ça, entrevue que j'ai fait à l'hémisphère gauche la semaine passée avec les Tuka Tukas, c'était le 8 juillet et c'est ça l'hémisphère gauche comme j'ai dit tantôt. Puis pour clore cette entrevue avec les Tuka Tukas, eh bien on va avoir une reprise d'une personne qui reste par chez eux, un genre de chansonnier de la place là, qui s'appelle A. Peters. Vous allez avoir les explications dans l'entrevue en plus. Bref, en tout cas, cette chanson-là est en créole, puis elle s'appelle « Moi t'es cru plus ». Ouais! Qui veut dire « Moi je te crois plus ». Yes! Allez, let's go! Et on y va avec les Tuka Tukas de l'île de la Réunion. Let's go! Bonjour, j'espère que vous avez fait un très bon voyage. Puis, comme que j'ai pas vraiment de mémoire, pourriez-vous me rappeler chacun de vos noms, puis en même temps aussi, qu'est-ce que vous faites dans les Tuka Tukas? On va commencer par toi. Marco à la guitare. Bonjour, bonjour. Yes, sir. Laetitia au chant. Yes. Bruno à la batterie. Parfait. Nico à la basse. Manu un petit peu à tout faire, fait tout. Le manager, finalement. Voilà. Hein. Ben à la gratte. Good. Et Loïc au saxophone. Bon, good. Alors, est-ce que vous avez fait bon voyage jusqu'à maintenant? Puis est-ce que vous avez eu des problèmes à l'aéroport ou bien tout s'est bien passé? En matière, parlons-en! Vas-y. C'est lui qui a enlevé ses chaussures, donc il va t'en expliquer un peu plus. Non, juste les douanes, on était embêtés quand on arrivait au Québec, ils ont un problème de papier. Tout le monde est passé, sauf un, le batteur. Mais bon, ouais. Et après le, à la fin, c'était moi qui étais retenu. Ah oui, comment voilà. Ça? Parce qu'ils voulaient savoir, parce que chaque fois j'attendais les personnes, donc ils ne comprenaient pas pourquoi j'attendais les personnes. Voilà. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Ils m'ont demandé si j'avais la charcuterie, j'ai dit non, puis voilà. J'ai tout mangé. T'as tout mangé? Oui. Bon, question que sûrement que vous êtes tanné de vous faire poser, mais pourquoi tu casses? Tout casse. Et puis on a repris. C'est vers quelle année ça? 2006. Ok. Après ça a changé beaucoup les Toucas. Hein. Les gratteux ils ont changé, la bassiste a changé, la chanteuse elle a changé. Ah ouais? Il n'y a que moi qui a résisté en fait. Ok. C'est vraiment original, c'est toi. Ça se voit, c'est toi. Il emporte les stigmates. En tout, vous avez combien de démos, EP, puis albums? Il y a deux albums, un troisième en préparation. Oh. Mais là, ce qu'on joue essentiellement, c'est le deuxième, une deux chansons du premier et surtout des nouvelles du prochain. Le deuxième, ouais. qui est Red Blood, c'est ça, voilà. C'est ça. Puis le premier, dans le fond, c'était Chaleur tropicale. Que j'avais reçu il y a deux ou trois ans, je pense, par internet. Ok. Puis Red Blood, ben plus je l'ai au complet là, okay. En CD. Hein. Quels sont les sujets dont traitent vos chansons, puis pourquoi vous préférez ces sujets-là? Il y a plusieurs sujets. Ça peut parler de violence conjugale, du droit à disposer de son corps pour les femmes, du racisme. Aidez-moi les gars. La pollution également. Des sujets engagés en tout cas. Et puis pourquoi? Pourquoi? C'est des sujets qui nous parlent et qu'on a envie de s'exprimer là-dessus et de dire des choses sur ces sujets-là en fait. Très bien. Pour vous autres, la politique nationale, dans le fond, de votre pays, puis la politique internationale, est-ce que ça vous touche beaucoup? Est-ce que ça vous ça vous influence pour composer vos chansons ou pour dénoncer tel type de choses? Oui, dans certaines, carrément. Il y en a une justement sur Monsanto, voilà, entre autres. Mais oui, forcément, ça inspire toujours. Tout ce qui nous fait réagir comme ça et qui fait réagir beaucoup de monde et tout, oui. On en profite pour nous aussi mettre notre coup de gueule dessus. Ouais. C'est bon. Pourquoi chantez-vous à la fois en français, en anglais et en créole? En anglais, on va dire, c'est sûr que c'est plus mélodique, on va dire, au chant. Après, en français, au début, on n'en avait pas beaucoup. On s'efforce d'en faire beaucoup plus en français pour que les gens nous comprennent également ce qu'on dit. Puis en créole, c'est pareil. C'est pour qu'on comprenne ce qu'on dit, en tout cas à La Réunion. Puis, ça fait passer beaucoup plus de choses, en tout cas dans le chant, quand on parle en créole, puisque du coup, c'est notre langue, en tout cas la mienne. Et, et le créole, ça fait appel à nos racines aussi, voilà. Pour le coup, parce qu'on est un groupe de La Réunion, donc c'est un clin d'œil aussi à La Réunion pour le coup. Ouais. OK. Dans votre chanson, le « race couillon, racine tatane », ça veut dire quoi, « racine tatane » ? En fait, c'est un groupe mauricien. Ok. Voilà, avec un chanteur donc, qui s'appelait Kaya. Et c'est une reprise, en fait. Ok. Voilà. Ah. Et c'est mauricien. Et le groupe s'appelle Racine Tatane. Ok. Voilà. Merci. En fait, dans les deux albums, t'as deux reprises. À chaque fois, t'as une reprise. Le premier album, c'était une reprise de Alain Peters. Ok. Voilà, qui est un chanteur de La Réunion. Moi, t'y crois plus. Et dans le deuxième album, voilà, on avait fait une reprise de Kaya. Ok. Au niveau de vos influences musicales, quel groupe le vous influence le plus ou vous a porté peut-être plus à avoir le son que les Toucatoucas ont? C'est un mélange de tout. On écoute tous des trucs différents, donc c'est ça qui fait la richesse de Toucas. C'est un mélange. On est tous différents en fait au niveau des influences, ce qui fait notre richesse pour le coup. Et pour ma part, c'est plus influence grunge. Après, okay. il y a du greencore, du hardcore, c'est très diversifié. Et voilà, donc on essaie de composer avec les différences de chacun et ça donne les tout casse quoi. Ouais, ben c'est ça, ça donne là, votre son qui est original finalement. Hein. Yep. On l'espère. Ben on l'espère. Ouais, ouais, ouais, carrément. Ouais. À part jouer avec les Touka Toukas, qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? T'as du temps ou pas? Est-ce que t'as du temps? Oh, ouais, ouais, est-ce ouais. Que je peux parler de ma vie, mais très longtemps si tu veux. En général, là, je veux dire. Ils verront pas. Marco, tatoueur. Je travaille dans l'environnement, Laetitia, donc. Moi, je suis chômeur, moi. Moi aussi pour l'été. Et mon métier, c'est sauver la planète. Good. Dans l'environnement aussi. Chauffeur. Moi, je suis artisan en sonore. Donc, vous êtes vraiment comme dans plusieurs milieux, mais qui a quand même un rapport avec la musique. Toujours. Est-ce que c'est compliqué pour vous de combiner vos vies professionnelles, musicales et puis personnelles? Là, il faut prendre le temps, oui. Forcément, mais ouais. Après, du coup, pour partir la musique, tournée, on la fait pas professionnellement, ouais. On la fait vraiment qu'autour du plaisir. Donc, du coup, on se donne le temps de faire. Et puis, oui, on se donne une petite journée, on répète plutôt en fin de journée, en fait. Mais en effet, on quitte notre job et puis après, on part tout de suite pour la répète. Mais c'est un plaisir, donc c'est pas une énorme organisation quand même à faire. Mais on prend le temps de le faire, ouais, parce que ça nous apporte énormément, ouais. Voilà, ouais. En général, on prend nos vacances, en tout cas, moi, pour aller en tournée. C'est difficile pour vous de prendre vos vacances quand même, ou... comme tout le monde, hein, faut déjà. Vous êtes un gros groupe, là. Ouais. Au sujet de la température, trouvez-vous que le climat du Québec, présentement, le ressemble beaucoup à votre climat? À nous, c'est le début de l'été pour chez nous, là. Donc, okay. On n'est pas dépaysé. OK. Ça vous va? OK. Oui. La scène punk, là, par chez vous, ça ressemble à quoi? La scène punk, t'as deux groupes, on va dire qu'ils sont vraiment punk. T'as les Plutôt Crevés, les Touka Toukas. Après, t'as beaucoup de rock, groupes comme de rock, de noise, de hip-hop, reggae, metal, greencore. Il y a un peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Mais après, t'as une autre scène qui est Maloya, reggae, c'est gay. Mais c'est plutôt une petite partie de la scène réunionnaise. Hein. On ne remplit pas des Olympias ou des trucs comme ça. Hein. On a le meilleur public de la Réunion. Yes, c'est bon, monsieur. Finalement, quels sont là, les concerts là, qui sont à venir? Puis ben, vos autres tournées peut-être à l'extérieur du Québec? Là, dans le fond, là, vous êtes au Québec, mais vous retournez, je pense, en France puis en Belgique après. Ouais, hein, c'est ça? Donc, demain, on est à Valleyfield. Okay. Je me souviens plus du nom du bar, je crois que c'est le Monte Cristo. Ensuite, on est à Rigaud, à la Fabtrick. Ensuite, on est à Sherbrooke. Okay. Et ensuite, c'est, trop de mémoire, Sainte-Thérèse. Okay. Et le 25 en matin, on arrive à Paris. Le 25 au soir, on joue à la Comédia Michelet. Le 26, on joue dans la région parisienne. Et après, on joue le 27, 28, 29 à Liège, Namur et Chapelle-les-Herlemont qui est en Belgique. Ouais. Boy, fait qu'avec le décalage horaire, ça vous va? Bon, on va pas s'en prendre une bonne branlette. Bon, ben, merci. Merci à toi. Une très bonne journée, très bon show. Ouais. Merci. La vie bleue se passe sur Antenne 2. Dans la vie, tes aventures. Ok, alors, c'était les Touka Toukas avec Moite Crepu. Et au début du bloc, on avait eu, bien sûr, une autre chanson des Touka Toukas qui était paranoïaque hypochondriaque. Et après ça, ben, ça avait été suivi de l'entrevue, là. Puis là, ben, parlant d'entrevue, ben, on continue avec The Horny Beaches et l'entrevue que j'ai faite avec eux autres. L'hémisphère gauche aussi, pourquoi? Ben, parce que dans le fond, ils étaient en tournée avec les Touka Toukas à travers le Québec la semaine passée. Puis une petite partie de l'autre semaine aussi. Bref, en tout cas. Donc, Horny Beaches avec tout d'abord la chanson 1-800 Tie Me Up, extrait de leur bon vieil album 13 Reason to Fuck. Et puis après ça, l'entrevue avec les bitches. Et on terminera ça avec une autre chanson des Horny Beaches, c'est-à-dire Daddy Issues. Pièce qui se retrouve sur l'avant-dernier album. En fait, oh, pour l'instant, c'est le dernier, leur dernier album studio, mais il y en a un nouveau qui s'en vient. Oups, j'avais peut-être trop dit. Ah, je viens de vendre un scoop de l'entrevue. Mais en tout cas, bref, c'est ça, cette pièce-là, vous pouvez la retrouver sur Heart and Guts, paru en 2014. Et puis sur ça, je mettais, puis allez, let's go avec les Horny Bitches! Hello? What are you wearing, slut? Nothing, just a dildo in my cunt. Well, I've got something better for you, bitch! Test. Ok, alors je suis avec les Horny Beaches en ce 18 juillet à l'hémisphère gauche. Alors, Marie, pourrais-tu me présenter tes deux nouvelles Beaches? Yes, sir! Kate à la guitare! Salut! Et Pascal au drum! Good! Hey, les filles, comment que ça se trouve votre intégration avec les Horny Beaches? Ça s'est bien passé? Hein? Très bien! Je dirais que ça s'est fait tout seul. On se connaissait déjà un peu avant. OK. Et, ben, c'est quelque chose d'amitié qui se développe. C'est des liens qui se développent. C'est une passion, en fait, en commun. Ici. Qui se crée. Qui se noue. Je fusionne le tout. Marie, d'être rendue la chanteuse officielle maintenant des Ornie Bay Chills, comment tu trouves ça? Est-ce qu'il a fallu que tu changes tes lignes de guitare ou de couplet ou je sais pas? Il n'a pas fallu que je change mes lignes de guitare, mais j'ai arrêté de fumer. Parce que tu as deux groupes là, avec les ordures ioniques. Ouais. Ça me, le groupe des ordures, ça m'a quand même donné beaucoup de souffle que, comparativement à moi. C'est sûr que je peux... Bon, c'est un peu moins de crier tout le temps, puis je trouve que c'est une bonne chose parce que ça fait ça, on vieillit, on mûrit, comme je trouve que le prochain album des Bitches est beaucoup plus travaillé que tous les autres albums ont été donc toi c'est vraiment bon. En plus on a ajouté une guitare, une bonne soliste qui était géniale. Donc ça s'en vient de plus en plus. On a hâte de composer déjà d'autres chansons parce que ben, c'est cool. Fait que ça, tu es vraiment comme de scrapper sur ma prochaine question, mais on va l'approfondir. Vas-y. Votre nouvel album, là, et pour quand? Un nouvel album, c'est sûr que dans la vie, il y a plein de choses rocambolesques des fois qui arrivent. Mais il est enregistré. C'est fait, il est là. En mix en ce moment. Okay. Donc, on est. Ça a été un long processus. On a pris quand même du temps pour l'écrire. En plus, bon, il y a eu des changements au niveau quand que l'album était prêt. Donc, il a fallu trouver des nouvelles recrues. C'est pas évident de trouver des perles au drum, à la guitare. C'est pas évident de trouver des filles. En plus, parce qu'au début, on regardait pas pour des filles, on regardait pour n'importe qui. Okay. C'est quand même. Les filles qui ont ces deux-là qui ont percé à travers le lot puis qu'on avait intérêt puis on ne regardait pas face au sexe en fait. Fait que c'est ça, il a fallu que les filles apprennent l'album, mettent sa touche, composer. Exactement, parce que là faut que on voulait pas qu'ils apprennent les chansons en tant que telles, mais qu'ils rajoutent leur partie à elles. Fait que c'est ça, ça s'en vient pour vrai d'ici la fin de l'été. I wish, sinon début d'automne, mais ça devrait être là-dedans. Est-ce qu'il y a un titre pour cet album-là ou Il y a un titre, on le dit tout en même temps. Un, deux, trois, go! Shut up and be nice! Oh, beau titre. Est-ce que vous avez quand même un label là, d'approcher ou... On est en cours de projet. On regarde les trucs, puis ça va sortir sûrement avec l'album avec qui on va choisir de travailler. C'est sûr qu'avant les Only Bitches, on s'est toujours autogéré. On a toujours fait par nous-mêmes. C'est sûr qu'on avait Virginie qui était avec nous. Ça va toujours rester une bitch, Virginie. D'ailleurs, ce soir, elle chante des chansons avec nous. On a besoin maintenant d'un peu plus de déléguer avec les autres parce que c'est quand même une machine qui est bien en marche maintenant. Ça va bien maintenant. Ouais. Good! À part jouer dans les Ornie Bay Chills, qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? Allez, les filles. La cuisine. C'est bien ça. Je travaille dans un bar, je retourne à l'école, je continue à jouer de mon bar, j'apprends tout le temps. T'avais un projet avant, ça? Ouais, c'est ça. J'avais un projet avant. Dans le fond, c'était des compositions, puis j'étais plus acoustique. OK. J'ai traîné dans le blues, plus dans le folk. J'ai traîné dans le. Je fais de la cuisine, c'est ça. Ça, c'est bien moi. Oui, je fais de la cuisine. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est pas mal ça. Puis je continue chez nous, puis c'est à peu près tout ce que je suis bien l'honneur, moi, dans la vie. Fait que je joue tout le temps de la musique, ou, tu sais, comme je dessine, ou, tu sais, je joue de la musique. c'est vraiment le fun là. J'étais comme plus dans le néant, jouer tout seul puis juste m'améliorer. Puis là, les filles m'ont approché puis je me suis dit regarde, essayons, tu sais. Puis ça m'interpellait au bout, ça me faisait penser à mon adolescence, tout le nouvel album. Je parle beaucoup, tu sais, c'est très punk rock 90, skate punk. J'adore ça, j'adore ce que c'est comme le renouveau. Puis tout en gardant, c'est sans dénaturer ce que les Ornie Bitches étaient. C'est comme une autre évolution. Les Ornie Bitches sont un nouveau Pokémon. Puis ça m'interpellait beaucoup. Fait que quand ils m'ont approché, j'écoutais la pré-production, puis je me suis vue là-dedans. Puis je me suis juste dit, allons-y. Coûte-coûte! C'est bon? Moi, je suis tempée dans un magasin de musique en vente et location, on the side. Sinon, j'ai été dans beaucoup de groupes avant. J'ai fait plus du métal, je dirais. J'ai aussi fait des contrats, des comédies musicales, des accompagnements sur des pièces de théâtre. Vraiment toutes sortes de choses. Super variées. Je fais de la percussion aussi. Je fais de l'enseignement de batterie aussi, on the side. Donc, on s'est occupé, on fait de la musique. Fait que c'est ça qui t'a comme amené, dans le fond, comme vers le drum pour le groupe. Oui, ben en fait, mes parents avaient une école de musique quand j'étais jeune. Donc, j'ai grandi là-dedans pas mal. J'ai été en jazz à Saint-Laurent. Et j'ai jamais arrêté depuis. C'est pas mal ça. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Il n'a jamais arrêté. Il n'arrêtera jamais. Je m'avance dans mes questions, là. Mais au niveau là, des paroles, là, ça parle-tu toujours de sexe encore ou bien ça a changé un peu? Ça a changé, je te dirais. Ça a changé pas nécessairement parce que... parce qu'on ne trouvait plus l'intérêt pour écrire pour ça, mais je pense qu'on a, en vieillissant, à un moment donné, on avait le goût de voir... Tu sais, t'as le goût de parler d'autres choses. Ça, ouais. Puis je dénigre pas du tout l'époque des VHS, on parlait de cul, puis c'était super drôle parce qu'on écrivait, on avait beaucoup de plaisir à écrire nos chansons. Mais là, on avait besoin, je pense, de plus... depuis Hard and Guts, que c'était un album plus moitié-moitié. Je pense qu'on a compris maintenant que les gens, ils nous aimaient pour qui qu'on était, puis pas parce qu'on porte des costumes, pas parce qu'on parlait de cul, puis ils nous voyaient juste maintenant par notre musique. Puis on a le goût, justement, que les gens se sentent interpellés, là. C'est ça que Suck and Swallow, il n'y a pas grand monde qui, qui se sent interpellé par ça. Mais à part qu'on a vu plein d'hommes là, chanter cette chanson aussi, mais on a juste besoin, on vieillit, c'est le groupe, il change. Juste des histoires personnelles, ouais. Hein, des histoires de tournée, puis c'est ça, tu sais, que les filles ont vécu. OK. C'est vraiment le fun de tu sais, comme moi puis Pesca qui arrive, puis tu sais, comme ils nous partagent les paroles, on était comme waouh, c'est donc bien cool, tu sais, c'est des choses que les filles ont vécues personnellement ou des gens qui ont rencontré. C'est vraiment le fun. Puis vos nouvelles tunes, est-ce qu'ils sont tous en anglais ou il y en a qui sont en français? Juste, en ce moment tout est en anglais, on est en comme... À part votre cover des Shérifs, là. À part notre cover des Shérifs, yes, là en ce moment c'est ça, tout est en anglais. Y a-t-il une raison? Ben je sais pas, j'ai mon groupe francophone avec les Ordurionnais, j'ai mon groupe anglophone avec les Bitches. C'est une autre proximité aussi, tu peux pas nécessairement... juste être francophone, malheureusement, ça va te mettre des barrières. Tu pourras pas. Puis les Horny Bitches, on rêve du monde. Déjà, on est allé. On arrive de l'île de la Réunion, d'ailleurs. Ouais, ben c'est ça qu'ils m'ont dit tantôt, là. Donc, c'est complètement débile. D'ailleurs, c'est à l'île de la Réunion que vous avez rencontré les Tucotucas. Absolument. C'est ça, hein? OK. Notre famille, ils nous ont hébergés là-bas, on a joué avec eux. Au mois de mars, hein? Au mois de mars. On a vécu un rêve, pour vrai. On est le premier groupe québécois à mettre pied à l'île de la Réunion. C'est quand même quelque chose. Là, ils ont amené la chaleur avec eux autres. Là. Ah ouais, on est sur ça qu'on est en canicule, c'est la faute, en fait, tu sais. Les sacs et les pentes. Est-ce que vous trouvez ça compliqué de mélanger à la fois votre vie professionnelle, musicale, puis personnelle? Tu sais, avec les tournées, les shows, puis... Je veux dire extrêmement. Pas extrêmement, parce que je me plains ou on se plaint. C'est quelque chose qui est dur. Beaucoup. C'est dur. C'est sous-estimé beaucoup, tu sais, à quel point c'est très exigeant. À tous les niveaux. C'est comme si ça commence à pas bien aller dans la vie personnelle, c'est difficile pour le Ben aussi. Le Ben va moins bien, mais c'est difficile dans la vie personnelle. C'est comme, tu sais, t'as comme si t'es en couple, ben t'as un deuxième couple, puis c'est ton Ben, tu sais. Fait que ça marche les deux bords. Je sais pas, c'est exigeant. C'est faut que tu. Puis en fait, toutes nos vies sont un peu faites en fonction qu'on puisse faire ça. Donc c'est toujours un travail de bon, si je fais ça, ben je. T'as toujours le groupe en arrière de ta tête. Est-ce que je peux faire ça face au groupe? Ça reste une passion parce qu'on sait que le punk, ça paye pas. Là. Exactement, mais quand c'est... En fait, on parle pas au niveau d'argent, mais on parle au niveau de faire des shows. Nous, on aime ça jouer. On aime ça jouer partout, puis on aime ça faire des gros concerts à un moment donné à un certain point. Ça fait 10 ans bientôt que Horny Bitches existe. Puis on en a fait des shows dans des petits bars et tout, mais à un moment donné, te ramasser, tu sais, on a joué le Rockfest. Ça, c'est juste une fois au moins, ça te fait les tripes à l'envers, puis ça te fait du bien, tu sais, comme c'est... Puis pour ça, faut travailler, tu sais, si tu veux aller jouer à la Réunion, ben faut que tu ailles travailler avant. Si tu veux aller faire l'Europe à toutes les années, faut que tu travailles avant, ça t'arrive pas. Il faudrait que quelqu'un vienne te chercher, genre, pour te dire « Ah, viens-t'en, je termine là », tu sais. C'est, tu travailles tout le temps, constant, tu fais du PR tout le temps, t'es... J'imagine qu'il faut aussi comme s'arranger pour que vous ayez tous vos congés ensemble. Exact, c'est aussi, c'est quelque chose, c'est... la job, là. Ouais. Des fois, il y a des gens comme tu vas travailler qui vont peut-être moins accepter que tu partes en congé, que tu ailles plein de shows, que... c'est comme un privilège quand même, là, de te dire que, crime, t'arrives à prendre tout le temps des fins de semaine ou peu importe ce que tu fais, tu sais. Fait que, ouais, faut que t'aies des gens autour de toi qui peuvent comprendre la vie de musicien, tu sais. Tes boss, maman, tu sais. Ça, c'est difficile à trouver des fois. Souvent, ce que tu fais, c'est comme, mais si tu m'y donnes pas, je m'en vais, tu sais. C'est souvent ça qui arrive, tu sais. Puis, pour ça qu'il y a besoin d'être un bon travailleur, en quelque part, tu sais, dans un sens, parce que S'ils veulent, faut que tu t'arranges pour qu'ils puissent pas se passer de toi à un certain... Un certain point, que un dans certain le fond, point, tu sais, que ça, ils se disent, ben, garde, moi, je suis prêt à accepter que tu t'en ailles autant de fois, tu sais. Mais quand t'es là, puis tu travailles fort. Fait. Si jamais il y avait, admettons, là, comme un gros label, tu sais, qui vous approchait pour vous dire, OK, garde, votre job, ça va être d'être les horny bitches, vous diriez oui ou non? Je dirais, fuck oui, genre. Oui, longtemps. Pourquoi pas? On parle pas, encore une fois, on parle pas niveau argent parce qu'on sait que c'est pas parce que tu es signé sur un gros label que tu fais du cash. Mais moi, j'adore. Vivre sur la route, c'est quand même quelque chose d'excitant. Puis une fois que tu as commencé à vivre ça, ben, commencer à avoir un pied à terre, là, c'est quelque chose qui est difficile parce que tu es habitué de partir. À un moment donné, ça te manque de. C'est le côté vivre léger aussi, que t'as pas grand chose, puis que tu vis à 100%, 100 minutes à l'heure, tout le temps, c'est fou. C'est fait que, ouais, Christmas. Fait que, vous avez entendu, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Oh, finalement, quels sont là, vos prochains concerts, puis tournées à venir? Je sais pas s'il y en a des nouvelles tournées qui s'en viennent, à part celle-ci là, avec les Ducoticas, là. Ben, en ce moment, ce qu'on va se concentrer, c'est vraiment, on veut faire un très bon release de l'album. On veut vraiment bien lancer ça, comme faire un très bon show pour un très gros party, en fait. Ça serait plus un party pour lancer ça qu'on veut faire. Par la suite, on regarde. On a des concerts qu'on s'est fait offrir déjà à l'avance. Puis on a peut-être une idée déjà d'une prochaine tournée, même deux. Mais c'est chaque chose en son temps. Puis ça se travaille beaucoup d'avance. Tournée québécoise, canadienne, européenne. On aimerait beaucoup aller. Ça serait plus. On irait vers les États-Unis, je crois, pour cette fois. C'est fait. On aurait des bons moyens. Là, on s'est fait offrir le Texas pour le mois de janvier. Puis des trucs comme ça. Fait que. Génial. Bon, ben, je vous remercie. Puis bon show. Ouais, merci. Quoi? Yeah. Yeah! The Horny Beaches avec Daddy Sues. Alors, j'espère que vous avez aimé cette seconde entrevue avec The Horny Beaches, là. Ben, seconde entrevue pour l'émission d'aujourd'hui. Il y en a encore deux autres au courant de l'émission. Tout d'abord, plus tard, il va en avoir une avec Béton Armé, puis après ça, il va en avoir une autre avec la formation américaine Smart Boys, qui sont venus du Texas faire un show-oil à Montréal dans le cadre de leur tournée, là, leur petite tournée nord-américaine, là. C'était bien bon. Mais en tout cas, là, on y va en musique avec tout d'abord des Taunton Awesome, puis leur version, ben, dans le fond, ouais, leur version, si on peut dire, de Blitzkrieg Bop, ainsi que leur version de Born to Lose, deux chansons qui se retrouvent sur leur album portant le titre de Learning English Lesson 1. Et puis, après ça, on va avoir les Partisans avec Sous la pluie, Rude Boy, qui sera suivi de Ibrahim et les Dompteurs de Tigre avec Mon Chien, ainsi que Kidnap et la pièce No SS, extrait de leur bon vieil album éponyme, qui contient plein de chansons. Dans le fond, c'est un peu comme une anthologie là, qui fait le tour de leurs chansons entre 1979 et 1985, qui contient 23 chansons, ouais, c'est sûr. Paru sur Upstart Production en 1999, tiens, tiens. Allez, let's go, musique! Et comme je l'ai dit, ça commence avec des Taunton Awesome et Blitzkrieg Bop. Allez, let's go! Learning English. Lesson 1. A quick beginner's course for holidaymakers and business people, rock and roll fans, and perverts. Step 1. Relax. You should always have a pencil and paper ready to take notes. Now listen carefully. Good time. Makers. Watch it on the street. OSS! C'est-tu clair, ça? On n'en veut pas de style SS. Eh oui, c'était Kidnap. Avec leur bon vieux classique No SS. Et puis, au début du bloc, on avait eu des Tartan Awesome avec Blitzgrid Bop ainsi que Born to Lose. Ça a été suivi des Partisans avec la chanson Sous la pluie Rude Boy, extrait de leur bon vieil album qui porterait le titre de Street Guns. Ah, l'album, dans le fond, c'est un EP qui a été réédité cette année sur Rusty Knife Record. Et puis, après ça, eh bien, on avait eu Ibrahim, les Dompteurs de Tigre, avec leur bon vieux classique Mon Chien, extrait de leur cassette démo parue sur LSC Record l'année passée. Bon, là, on enchaîne sans plus tarder avec un autre groupe qui est sur LSC Record, Béton Armé, qui en sont rendus en plus à 3 versions de cassettes différentes de leur tout nouveau démo, là. Donc, on va entendre la chanson Béton Armé de Béton Armé. Après ça, l'entrevue que j'ai faite avec Béton Armé, dehors en face, bah pas dehors vraiment en face, plutôt à côté de l'Atomic Café, on s'était trouvé un petit coin tranquille pour faire ça, là. Puis après ça, eh bien, on va avoir la chanson Quartier Populaire, question de terminer ce bloc avec Béton Armé. Sur ce, allez, c'est du béton et c'est armé, c'est Béton Armé. Let's go! Bon, bonjour gang, comment ça va? Ça va bien. Parfait. Hey, pour les besoins de mes auditeurs, là, est-ce que vous pourriez vous identifier et vous dire qu'est-ce que vous faites dans votre groupe? Ouais, ben moi c'est Dan Preston, je joue du chant dans Béton Armé. Fabio, la bass. Moi c'est lui, je joue de la guide. Yes! Fait que nous, j'ai le drummer. Qui est parti chercher de la bière. Ouais, c'est ça. Mission de punk. pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de Béton Armé? Ouais, ça, je vais répondre, en fait, c'est une vieille joke. Ça fait des années que je veux partir un band avec ce nom-là parce que mon coloc avait dit, est-ce que ça serait un bon nom de band? Ouais, Béton Armé. Fait que, dès que j'ai trouvé du monde pour faire un band, on a dit, j'ai poussé pour que ce soit Béton Armé. Puis, les gars étaient down. Fait que, on est resté avec ça. Puis, dans le fond, c'est sûrement dans le même sens. C'est sûrement ça qui vous a poussé quand même à créer, justement, Béton Armé, j'imagine. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est le groupe, là. T'sais, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Béton Armé, hein? Ok. Toi, Dan, ben, c'est pas ton premier groupe, là. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui. En fait, c'est. On s'est rencontrés à un moment donné, moi, puis Oli. Lui, il me disait, genre, qu'il avait l'intention de partir un band dans le genre de Nabat puis Rix. Puis on s'est dit, ben, tu sais, c'est un peu nos influences aussi. On voulait partir un band dans ce genre-là. Après ça, ben ça a pas trop fonctionné là, son projet. Je pense que. Mais je pense que c'est important de dire en fait ça. Je voulais partir ce band-là avec deux de mes vieux chums de Rimouski. Okay. Parce que je viens de Rimouski à la base. Okay. Les deux sont plus vieux, tu sais, puis ont des enfants à star pour des jobs, et finalement on n'a jamais jamé. Puis pendant ce temps-là, Preston et Fabio ont commencé à jammer ensemble. Exact. Puis finalement, je pense que c'est Poil de LSI qui a dit à Dan que je voulais faire ça puis que ça n'avait pas marché. C'est toujours dur de savoir le début. Mais dans le fond, c'est rendu à Montréal que vous êtes retrouvé. Ouais, non, mais ça fait 10 ans. Et par les OK, ça fait un bout. Ouais. OK. Les sujets là, de vos chansons, ils parlent de quoi précisément, puis pourquoi? Ben, les sujets des tunes en général, ben ça tourne autour de vraiment comme le spirit du crew, là, surtout de la POS. Là. C'est vraiment, je parle souvent au nous, c'est parce que c'est justement, c'est ça. Puis en fait, c'est juste comme toute la frustration, la rage, puis de que les gens soient tout le temps sous regard, en fait, genre, parce qu'on a un coup, on est solide, puis il n'y a rien qui nous dissocie. Fait que c'est pas mal ça. Ben, ton armée, d'où vient le nom aussi, que je trouvais que ça fonctionne, que c'est du solide. Est-ce que les sujets sociaux ou politiques, je sais pas, qui vous touchent plus, par exemple? Ben, je parle, il y a une toune, Quartier Populaire, où que ça parle un peu de. Justement, de la gentrification en général, là. Puis ça parle du secteur de où qu'on joue ce soir, justement. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour à date sur qu'est-ce qui est engagé, là, plutôt. Puis l'antiraciste, toujours. L'antiraciste fait partie de notre vie puis de notre crew, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça transparaît dans nos personnes, je pense, j'imagine. Notre musique. Musique aussi, ouais. Tantôt, vous avez un peu comme effleuré de vos influences, mais y a-tu vraiment, tu sais, comme au niveau là, du punk puis du high, là, c'est quoi dans le fond là, vos plus grandes influences qui vous ont comme entraîné vers le son de Béton Armé? Ouais, surtout Nabat, là, le band italien des années 80, puis le son français là, des années 80 le high. C'est R.A.S. On est tous fans de high français. Ben, en tout cas, moi, je suis fan de high français, tout aussi, de punk rock, les années K.O. Tout, c'est pas mal tout notre truc en général. Là. Fait que, ouais, c'est ça, Nabat, comme Fabio il a dit, là, ça tourne pas mal autour de. Tu sais, le premier. C'est les années 80, France-Italie en général, dans la high. On est à peu près tous d'accord que c'est ça qu'on veut essayer de faire. Là, pour l'instant, vous avez une cassette sur LSC Records, mais est-ce que vous prévoyez faire un LP ou un autre démo prochainement, ou je sais pas, ou un vinyl? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient prochainement pour vous autres? Ah, ben ça, c'est une surprise, mais... ouais. C'est le but de la question. Ben ouais, on travaille là-dessus. Là. On travaille sur des nouvelles chansons, ouais, là, puis on va voir ce que ça va donner, puis c'est, si on va faire un LP, si on va faire un vinyle, on sait pas trop encore. Ça reste comme ça. Et surtout que c'est notre premier show. On va commencer par jouer le premier show, après on va voir pour le deuxième release. Mais... Ah, mais vous revenez comme déjà pas mal bien. Ouais. T'sais, le nom s'est propagé, puis le son, il est là. C'est... Vous êtes prêts? Pourquoi vos chansons sont toutes en français? Parce qu'en fait, moi, c'est la langue qui me va le mieux. Je sais pas, je m'exprime bien, puis je suis capable de composer des textes à partir le plus facilement en français. Puis c'est aussi le son aussi qu'on voulait. Nos influences, c'est beaucoup la France. C'est ça, puis c'est notre langue, langue maternelle, si on veut, la langue qu'on parle toute entre nous. Fait que pourquoi aller faire des chansons en anglais quand on parle tout en français? T'sais. Exactement, c'est plus ça. Ouais, comme mes influences, surtout pour mon texte, des bandes comme Squelette, genre ça vient quand même influencer. C'est ça qui m'a donné aussi beaucoup le goût du chant en général. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que vous pensez que, dans le fond, combiner votre vie professionnelle, musicale, puis personnelle, ça pourrait être compliqué pour votre groupe, ou bien que, dans le fond, c'est pas grave? Ouais, je pense que ça va bien à date. On a un bon roulement, là, tu sais. On fait nos trucs à l'extérieur. Ouais, c'est ça. On a tous nos jobs, on a nos vies sociales aussi, qui sont quand même communes, mais pas à ce point-là. Puis on fait le band, puis... Pour l'instant, tout va bien. Quand on aura des problèmes, on les gérera, mais pour l'instant, tout va bien. Finalement, là, vous avez votre premier show ce soir, là, mais y a-t-il d'autres choses qui s'en viennent? En fait, non. C'est ça l'affaire. C'est que ça reste ça reste avec le show à soir. On est comme en construction pas mal de tout ça. Là. Fait que, OK. Ouais, ben, il va y avoir ça va venir bientôt, là, à venir, il va y avoir comme des shows. D'autres dates. C'est ça, pour l'instant. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il n'y a rien de coulé dans le béton. On reste quand même low profile là-dessus, puis là-dessus. C'est pas mal ça, là. Il n'y a rien à dire. Ouais, là-dessus. Fait que cette année, bon show, puis. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir de vous avoir connu. Yes, ouais, parfait. Tu connais déjà, moi, tu crois. Excellent. Ouais. Merci. Merci. Ah, merci à toi. Quartier populaire de Béton Armé. Et au début du bloc, on avait eu Béton Armé qui avait été suivi de l'entrevue que j'ai fait avec Béton Armé. Et j'espère que vous avez aimé ça. Là, on enchaîne avec un bloc spécial, dans le fond, qui est un peu un bloc de propagande pour le Grind Your Mind Open Air 10. Et oui. Donc, on y va avec un bloc de 4 tunes. En fait, un premier bloc de 4 tunes avant ce festival-là. Il y en a d'autres qu'on suit dans les autres émissions. Donc là, on va commencer tout d'abord avec Dead Blues Carnival et puis la chanson The Girl in the Wood. Ça, cette chanson-là, eh bien, elle est extrait de leur LP qui s'appelle The Turbo Spooky Outlaw. Puis dans le fond, c'est ça, il y a une version LP puis un EP parce qu'avant, en 2015, il y avait la version EP de ce même album. Puis là, ça, il y a la version LP parce que dans le fond, il est plus long, il y a plus de chansons. Ben, ça date quand même de 2016, la version longue. Ouais. Mais en tout cas, donc c'est ça. Après ça, on va avoir The Creep Show avec One Foot in the Grave. Ça, cet album, pas cet album-là, mais cette chanson-là, vous pouvez la retrouver sur le plus récent album de la formation Creep Show, c'est-à-dire Death at My Door. Après ça, on va avoir les Last Workers avec Old Timer, pièce qui se retrouve sur leur album Working Class Rebel. C'est sûr que là, vous allez voir au show que ça a pas mal changé, parce que dans le fond, quasiment la grosse majorité des membres du groupe qui étaient sur cet album-là sont maintenant rendus dans la formation Atomic Threat, là. Mais en tout cas, c'est une bonne chanson, très bien enregistrée, Old Timer. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce que ça a de l'air maintenant de Last Rockers, là. Fait que ça sera à redécouvrir au Grind Your Mind Open Air. Puis après ça, lors du prochain bloc, eh bien, on va avoir The Prowlers, ou plutôt Les Prowlers, parce que là, dans le fond, on va avoir deux chansons extraites de leur EP Serial Pousseur, fait que, dans le fond, la version originale de Serial Pousseur. Puis après ça, la version qu'ils appellent, eux autres, la version démo 89 de Serial Pousseur. Bah ok, The Prowlers, ça n'existait pas en 1989, mais c'est surtout parce que ça sonne comme du Beru, on dirait. Ouais. Fait que, allez, let's go. Puis on commence ça, quand j'ai dit tantôt, avec Dead Blows Carnival. Ah, puis avant de commencer ça, je pourrais vous énumérer là, les autres groupes aussi qui seront présents, justement, le vendredi du Grind Your Mind Open Air 10, qui va avoir lieu le 10 août. Puis le 11 août, ben là, dans le fond, ça, c'est la journée metal grandcore, là. Mais pour la journée punk, je vais vous les énumérer ça, là, les groupes qui sont là. Tout d'abord, en tête d'affiche, il y a Creepshow et puis The Prowlers. Overbase, qui était le Ben Surprise, fait que là maintenant c'est plus écrit Ben Surprise, c'est Overbase, on sait que c'est eux autres. Il y a The Brain Eaters qui eux font un hommage à Misfit, mais un très bon hommage. Il y a Dead Blues Carnival qui vont jouer dans le bloc, là. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez les connaître, là. C'est genre de folk, punk, country bizarre, là. Vous allez voir ça. Platinum, qui contient des anciens membres de Alien Scab. Route Saint-Louis, très bonne formation folk punk de Terrebonne. Dead Nap, groupe à découvrir. The Last Rockers, groupe à redécouvrir, je dirais. Trisomic Vert, groupe à découvrir. Puis il va y avoir aussi les Apachois, ainsi que Craig Lewis. Donc, si vous voulez voir tout ça, là, ben vous devez arriver quand même assez tôt. Puis là, assez tôt, je pense bien que, me semble, c'est 16h. Donc à 16h, faut être là. Puis c'est mieux d'acheter les billets avant le temps, parce que si vous achetez vos billets avant le temps, ben c'est 20$ pour une journée, puis c'est 30$ pour les deux jours. Sinon, ben c'est 25$ pour une journée à la porte, puis 40$ pour deux jours à la porte. Fait que tu sais, vous sauvez de l'argent en pré-vente. Sur ce, allez, let's go, musique. Et ça commence, comme je l'ai dit tantôt, avec tout d'abord Dead Blues Carnival et la pièce The Girl in the Wood. Allez, let's go! Remember me. Remember for the rest of your life. When I was a young boy and grew up for a while, a man met in the woods and she said, "Child." Good. N'ayez la peur, sans vous en peur. N'ayez OK, alors c'était les Prowlers avec les deux versions de la chanson Serial Pousseur que vous pouvez retrouver sur leur EP Serial Pousseur, qui est leur plus récent album EP, ouais. Puis, n'oubliez pas que The Prowlers seront pour la première fois en spectacle au Grind Your Mind Open Air. Yes! Yes, sir! Yeah! Puis pour ceux qui n'ont jamais été au Grind Your Mind, ben sérieusement, hein, ça sonne en crime puis ça kick des culs. Sérieux, hein? C'est vraiment bien fait parce que le stage fait face au bois, puis la façon qu'on pourrait dire que, mettons, la salle, entre guillemets, est organisée, là, en fond, c'est un peu fait comme en demi-cercle. En tout cas, ça sonne numéro un. Fait que si vous avez jamais été au Grind Your Mind, là, allez-y, ça vaut la peine, vraiment gros. Puis en plus, si jamais vous passez, vous saoulez à gueule, là, ben vous pouvez camper là-bas, puis c'est gratuit. Faut rien que payer le prix d'entrée, là, mais si t'as envie de camper, tu campes là, pas de problème, là, et puis il manque pas de bécasse en plus au Grind Your Mind. Ça amène ton chien, tu peux même l'apporter. Sauf que, faut être à l'aise, parce que, tu sais, si les chiens commencent à chicaner, ça te fout un chaud à terre pis c'est plate, là. Mais, en tout cas, tu sais, quand la seule restriction, c'est d'avoir ton chien à l'aise, là, c'est pas pire, là. Sérieux, là. Fait que, ah ouais, déplacez-vous, là. Grind Your Mind cette année, là. Ça va brasser. Puis, dans le fond, c'est ça, on a eu trois autres groupes qui vont être là, là. Donc, on avait commencé le bloc avec Dead Blues Carnival et puis la chanson The Girl in the Wood. Ça a été suivi de la formation de Creepshow, qui eux aussi seront au Grind Your Mind pour la première fois. Là. Ouais. Et eux, pour eux autres, on a eu la chanson One Foot in the Grave. Puis après ça, on a vu les Last Rockers avec Old Timer. Maintenant, on enchaîne avec une nouveauté. Une nouveauté qui nous vient de France et qui donne dans le skatepunk, c'est-à-dire Fast and Furious, avec la chanson Non pas ce soir. Ouais. Qu'ils ont fait avec les trois fromages. Et puis ça, c'est extrait de leur tout nouvel album, là, qui s'appelle 10 ans plus tard. Mais non, c'est 10 ans plus taré! Parce que le moteur, il est barré, puis il est taré d'ajouter la canette. En tout cas, faites un tour sur Internet, là, vous allez voir aussi la pochette, vous allez sûrement mieux me comprendre. Puis après, bon, on va avoir la formation Boyd, qui nous vient de Montréal, avec la chanson Back in My Arm. Ça, c'est extrait de leur album, qui s'appelle We Stalk Each Other Like Animals. Qui, elle, est parue en 2014 sur Stormbreaker. Dans le fond, ça, c'est l'avant-dernier. Parce qu'il y en a un plus récent aussi, là. Ben ça, c'est l'avant-dernier, celui-là. Et puis, après ça, on va avoir The Gutter Demons avec la chanson Tornado. Puis, ouais, il me semble que j'ai quelque chose à dire à propos d'un show, c'est Gutter Demons, là. Ouais, ben je vous dis ça tantôt après le bloc de musique. Sur ce, allez, let's go, Fast and Furious. Et puis, non, pas ce soir! Allez voir leur vidéo aussi sur Internet, là. Il est drôle. Toujours la maison. I want you back in my yard. Winter seasons take so long. Another day freezing, another pay for the moon. Been hooking up to your devices, living life in little slices, working on a whole damn pie you knew. I want you back in my arms. I want you back in my arms. c'était The Garter Demon avec leur version de la pièce Tornado. Et puis, les Garter Demon seront en spectacle dans le cadre du Festival Perfecto qui va avoir lieu aux Catacombes à Montréal. Ça va commencer dans le fond à 10h, là, le show, là, mais les portes vont ouvrir à 9h. Puis avec les Garter Demon, eh bien, il va avoir aussi la formation Evil and Crow ainsi que The Seams. Donc, je répète, ça, là, ça va avoir lieu le 18 août pour le Festival Perfecto. Fait que ne manquez pas cela. Ça sera toute une soirée. Et puis, au début du bloc, on a vu la formation française Fast and Furious et la chanson Non, pas ce soir, pièce qu'ils ont fait avec les trois fromages. Et puis ensuite, on a vu Boyz avec Back in My Home. Et maintenant, on enchaîne avec Smart Boyz et la chanson I'm a Lion, extrait du EP portant le même nom, qui sera suivi de l'entrevue que j'ai fait avec eux à la même place que la gang de béton armé, c'est-à-dire dehors, pas trop loin du Atomic Café, dans une place qui avait pas trop de bruit. Même si on a été quand même dérangé, vous allez voir ça tantôt dans l'entrevue, anyway. Donc c'est ça, donc très bonne entrevue, sont très sympathiques en plus les gars de Smart Boyz, fait que thank you guys, it was a very good show, and come here soon because you rock, yeah! Puis après ça, là, savez-vous ce qu'on va avoir après l'entrevue? Bon, on va avoir une autre chanson des Smart Boyz, c'est-à-dire We All Alright, yeah! Parce que ça va bien, yes sir! Extrait du EP I'm a Lion. Sur ce, allez, let's go avec Smart Boyz! Hi guys, first of all, can you introduce yourself for my punk rock show? Sure, I'm J-Boy, I sing and play guitar. And? Evo, I play bass. Yeah, good. So, did you make a nice trip? Yeah, it was fun. Long, but fun. Yeah. It was easy at the border? No. No? Oh, shit. We got searched. Oh, yeah. Yeah, heavily. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Well, it's only an hour. I've been at the border for 4 hours before, so I was going to say... It was the first time. He's a virgin. His cherry got busted. Yeah. But mine, it was a lot easier. Hey, 1 hour, it's plus okay. Plus, they never found all our shit we hid, so. Ha ha, suckers. Just kidding. Why did you call your band the Smart Boys? Evil? Well. Johnny Thunder? Yeah, it's reference to a Johnny Thunder song. Oh, yeah? Y'all can figure out what song that is, and it's kind of like, you know, it could be some irony of smart boys, like we're not really that smart, but yet we claim to be. So there's a few things going on there. Do we dress smart? Do we, you know, all kinds of kind of things going on with that smart boys. But basically, yeah, it has a lot to do with the whole rock and roll aspect of things. Because, like, you know, I guess we could be considered an oi band, but we're really striving for more of that rock and roll. Yeah. So. Okay. Since how many time the Smart Boy exists, and why did you create this band? Yeah. No. Start the band. Well, for me, music's in my blood. Yeah. So I'm going to play in a band. I'm going to play in a band that I feel 100% involved and committed to. And, you know, and that's it. And that's just an extension of, I mean, I'm just talking for myself. I'm sure everyone would agree. You know, it's just an extension of who we are. Okay. And, you know, we're able to express ourselves and kind of tell our story through lyrics. Maybe some symbolism where it's not really directly like, oh, I had a fucked up experience here. Let me tell you about it. Because that's kind of depressing. So we kind of, you know, make light of some things that could be considered serious subject material. But it's the typical rock and roll stuff of like relationships, you know, work type of scenarios and just day-to-day life. And we just sing about it in our way. That's okay. How we do it. Yeah. Okay. How many album or EP did you have? This is our first actual LP that we just put out. Okay. But we've been on EP. EP. I'm sorry. But we've been on a few compilations prior. Okay. We're on a few cassettes. We're on the. So the you American have some Oil. Demo too. Well, it's not really demos, but they're all compilations. Okay. But this is our actually first. We had two songs on like a compilation for the record label CCM. Yeah, Oi CCM label Oi Comp. It's got 30 bands from around the world on there. We got two songs on that. That was like our first thing that came out, and then another cassette from Clockwork Punk Records in Russia. A song on there with about, I think, 7 various other bands from around the world. We're the only band on there from the U.S. So, are you working for an LP? That's the next step. Yeah, that's the next step. Yeah, we got a lot. We have the material. Okay. We just need to get in the studio and knock it out. It is your first time in Quebec for your band and for yourself too. First time for me, for the band and myself, but he's been here before with other bands. I've been here before. Which one? Lower Class Brats. Oh yeah, okay. We played here down the road somewhere. I don't know the name of it. Do the Lower Class Brat is over now? Or no, they got different people. They just went back to San Diego. Okay. Yeah, they live in California now. They moved out of Texas. LA, San Diego, Long Beach area. Okay. And they're still going. But you now, you are only in the Smart Boys. Yes. Okay. What are your greatest influence in punk rock music? Or oi music? Except you first. I like a lot of rock and roll, like, you know, the Dolls, Johnny Thunders. Okay. Old stuff. Old stuff, yeah. but you know, I listen like Cock Sparrow. Well, actually, this is Crying Spree. Oh no, it's another band that's on CCM. They're from Chicago. Oh, yeah, I don't know this them. Yeah, so you know, Hard Knocks, our buddies from on the label Hard Knocks, they're really kicking ass. You know, I like them a lot. But yeah, a lot of older stuff. Yeah, rock and roll, Guns N' Roses. You know, AC/DC, fucking. What's the other Australian band? Rose Tattoo. Oh, you know, shit like that. Yeah. And I prefer old French punk and oi, metal or Bane. Really obscure, maybe obscure for the majority of listeners, but maybe not. Maybe not for your station. They may know all these bands, but I'm not going to go, you know, Little Bob Story and fucking Bulldozer. I mean, there's so many bands I can name, you know. And then, like, you know, I don't want to really name bands. I mean, there's a lot of the Herberts, a friend of mine, Alto. You know, he used to sing for that band. They broke up a long time ago, French oi band. There's a lot of French influence. I like a lot of old glam stuff from the 70s, pub rock, Eddie and the Hot Rods, Dr. Feelgood, Buster Brown, early Rose Tattoo, pre-Rose Tattoo, AC/DC band. Colored Balls from Australia as well. That's just the tip of the iceberg. Believe me, I could sit here for half an hour and just name bands, you know, but it's a lot of old shit. We all have our own influences, like Yogi, our drummer. Yeah. He listens to a lot of hair metal. Oh, yeah. Like, so yeah. He goes to, like, Molly all these Crew festivals, Motley Crue, all that stuff, like Cinderella, you know, so, like, there's tons of influences coming in from this band. But I gotta say, it's not all old bands. There's a lot of new shit that's coming out, especially here in Montreal. Yeah. That, yeah. I, you know, we're all really like excited. Like, the three band will play with you tonight. That's right. Every band tonight is, like, I'm very excited to see and hear this firsthand. Three good, you know, new hopefully band. I can control... I don't want to get in trouble here and, like, get it a little rowdy because sometimes music takes a hold of you, you know? Anybody know that? And you kind of, you know, start hogoing around. People, nobody knows who I am, you know? So they're like, who's this stranger here, you know? Like, hogoing into me and stuff, so. Everybody is very cool at Montreal. Okay, well, then good. So. Well, then, I'll need a couple beers and I'm good. Come do pogo. Yeah, okay. I probably will. What do you do in your life? I mean, do you only play music or you do something else to pay your bill? Yeah, we all have day jobs. You know, I do phone work, like, for, like, a cable company. Okay. So, Evil's a teacher. Oh, I teach high school. You teach what? I teach high school. Okay. English teacher. Oh, good. Chris is gonna be a teacher. He's been studying in college, and he's so you're in vacancy now. I'm sorry. You don't work in the summer, so you can. This is summer for me, but I do work summer school. So in a few days next week, like this is a Thursday night. Tuesday I'll be at work. We all will actually be at work. Yeah. Oh yeah. But you know, I'll be teaching summer school. I don't have to, but I, you know, it's... It is hard for you to take some day off to make tour? Nope. In the summer, but in the year? During the year, a day or two is one thing, but take a week off, I could do it, but I got to plan it in advance, and get approval, because if there's... We got state testing in Texas for kids, and so if it's during, you know, during a lot of testing... Oh, they found me. Shit. You don't know me. But I pulled you. Yeah, okay. As far as taking time off for touring, I'll do it regardless, even if it means I lose my job, because I know I can always go back and find another job. Yeah. But you don't always get this experience of going out and seeing the world and being able to play and do what you love, you know? Try to plan it so that we don't lose our jobs. You know, really can't afford to lose my job. So, but I got as a teacher, you got summers and spring break and Christmas, and so there is some plenty of opportunities that can take. I tried to utilize that, and I know we're kind of a new band, so we're starting, trying to get out and you know, show people what we got, and that's why we're here. Oh, that's cool. So, finally, where are you gonna play for the next show or Toronto Toronto tomorrow and do you have some other tour Well, we got a couple more shows after the Toronto show back in the States, but we don't actually have a tour planned yet for the next one. We'll work on that soon. Well, the big plan is, like, you know, we're finishing this tour. We got three more shows to make our way back to Texas. And then we got, like, a handful of shows the rest of this year. We don't know. I mean, this is in Texas. I don't know if we're going to go anywhere outside of Texas the rest in 2018. If something comes up, opportunity, you know, we'll talk about it. You will take it. But for next year, I'm already kind of talking to some people trying to get us over to Europe for, you know, 2 weeks. And if we go over there, I feel like, you know, it's like highly likely we'll be able to make it to Moscow and play there. Oh, yeah. Which none of us have been there or played there. So there's a big punk scene. I hear. And we, you know, since we already have kind of a song on a comp from a record label from Moscow and kind of connecting with some people over there. And, you know, these days with social media, it's easy to connect with people, you know, like yourself. I would know you on the street, you know what I mean? But now we kind of know each other. So we're able to kind of connect that way. So that's a really cool thing about music these days, at least not maybe even like a bigger level, but like on this level that all these bands are at, and like, you know, mid, you know, upper levels. So we can all, underground, you know, punk boy, rock and roll scenes, whatever, can like all kind of connect. And, you know, wherever you go, you can always have some sort of, you know, meet up with people and stuff, and, you know, and network and make new friends and, you know, try to set up shows. And it's a lot easier. People come to Texas, you know, we more than willing to help get something going down there. We know people that if I can't do it, or, you know, Jay can't do it, we can do it, or someone can do it. So it's all, you know, friendship. And that's what I see mostly this past year or two, is like a rise in that kind of a networking, which is seems to be growing, which is great. Because 5 years ago, sort of non-existent, very just starting out, I guess. And now the technology is there for instantly able to connect with people. And all we got to do is just get there. And here we are. So hopefully we'll make a good show tonight. And pretty much, no, we don't have no other tour plans, just handful of shows in Texas, like you said, but hopefully we'll get to Europe next year. So I hope that you will have a very good show tonight and a very good tour. And it was a pleasure to meet you. Definitely. So thank you. Have a nice show. Thank you. We are all right. We are all right. veto. We are all alright. And we're rap-a-go. We are all alright. Don't need a veto. We are all alright. And we're rap-a-go. Alors, c'était Smart Boys avec We're Alright. Et puis, au début du bloc, on avait I'm Lying de cette même formation. Puis après ça, bon, on a eu l'entrevue que j'ai faite avec eux autres. J'espère que vous avez aimé ça. Là, on se quitte aujourd'hui avec tout d'abord la formation Reggae Fucky qui nous vient de l'univers de je sais pas trop où, c'est-à-dire Blob from Outer Space et la pièce Damn Good Coffee. Après ça, Morshem 43 avec la pièce Baccarat Punk Forever, pièce qui parle de la vie de Jean-Marie Philippe, qui est dans le fond le chanteur de Morshem 43, chanteur et guitariste. Puis je trouve que vraiment, tu t'es vraiment donné à fond Jean-Marie dans cette chanson-là, fait que respect, man. Puis après ça, question de te faire hommage, check bien ça, les Misfits avec Night of the Living Dead. Or, ça s'enchaîne merveilleusement. Yeah! Puis après, on se laisse avec la formation française Comptoir Chaos et puis Fier comme un pape. Pièce qui se retrouve sur l'album Seconde Génération, disponible sur l'étiquette Runs Record. Et puis, dans le fond, c'est la pièce qui vient clore l'album, là, Seconde Génération. Là. Fait que, sur ce, bye bye tout le monde, et à la semaine prochaine pour une autre émission de Skypunka. Oh, balade en baccarat. Car soudain mon marmot vitant me montre du doigt des punks à trouver sur un banc. Comme il est loin des bêtes, il me dit pourquoi ils ont des crêtes. Je réponds ce sont des punks à chiens et avant c'était mes copains. Au mythique pour baccarat, des places traversent ma mémoire. Oui, j'ai longtemps vécu là-bas avec les punks à chiens, voilà mon histoire. J'ai vécu avec eux, dis-je à mon bienheureux, pendant 6 ans et on était nombreux. Papy et mamie m'avaient mis dehors, parce qu'à l'époque on n'était pas d'accord. Avec eux j'avais trouvé une famille, pas la meilleure ni même la pire. On était soudés comme les doigts de la main, prêts pour affronter les durs lendemains. Au mythique pour baccarat, des places traversent ma mémoire. Oui j'ai longtemps vécu là-bas, avec les punks à chiens, voilà mon histoire. Mais papa, me dit mon chérubin, si ce sont tes copains, on va leur serrer la main. Ah mon petit gars, cela je les connais pas. Mes copains à moi sont partis, certains loin d'ici, d'autres au paradis, et c'est ainsi. Mais je suis quand même content d'être resté avec les vivants. Et pendant de longues années, ce coin était déserté. Au mythique mon baccarat, des plages traversent ma mémoire. Puis j'ai longtemps vécu là-bas, avec les punks à chiens, voilà mon histoire. J'ai vu ma famille de cœur s'éclaircir, et pas de jeunesse pour investir. Regarde, ils sont une dizaine, nous en étions jusqu'à une vingtaine. C'est un bon début en soi, pensais-je, mais cette jeunesse en plein désarroi, qui demande à ce qu'on la protège, me pétrifia ou me remplit d'effroi. Au mythique pour baccarat, des flashs traversent ma mémoire. Oui, j'ai longtemps vécu là-bas, avec les punks à chiens, et voilà mon histoire. Et papa, tu penses à quoi, dit le marmot. Au contraire, c'est bien qu'il y ait des nouveaux qui ont repris le flambeau. Mais tu sais, ils sont pas très gros. Viens mon petit, dis-je à mon jeune prodige. Demandons-leur s'ils n'ont besoin de rien. D'aller voir ces jeunes leur fera du bien. Pas de doute, ce loco est bien lien. Au mythique pour baccarat, des flashs traversent ma mémoire. Oui, j'ai longtemps vécu là-bas avec les punks à chiens. Voilà mon histoire. Dédicacé à tous ceux qui m'appellent encore Renaud. Yeah. se pointera pas la part des gains pour toi. Le lendemain d'un propos de vous devant ce comptoir, tu patientes avec cette bière. Mais c'est sûrement celle de trop, car c'est celle qui va t'aider à franchir le pas, à te trouer le cerveau, à te trouer le cerveau. semaine et au bout de la semaine.